Quel parti un autre n'aurait-il pas tiré de ces trois chirurgiens, de leur conversation à la quatrième bouteille, de la multitude, de leur cure merveilleuse, de l'impatience de Jacques, de la mauvaise humeur de l'autre, des propos de nos esculapes de campagne autour du genou de Jacques, de leurs différents avis, l'un prétendant que Jacques était mort, si l'on ne se hâtait de lui couper la jambe, l'autre qu'il fallait extraire la balle de la portion du vêtement qu'il avait suivi et conserver la jambe à ce pauvre diable. Le troisième chirurgien aurait gobe mouché jusqu'à ce que la querelle se fût élevée entre eux et que des invectives on en fût venu au geste. Je vous fais grâce de toutes ces choses que vous trouverez dans les romans, dans la comédie ancienne et dans la société. Lorsque j'entendis l'autre s'écrier de sa femme « Que diable faisait-elle à sa porte ?» Je me rappelais l'harpagon de Molière lorsqu'il dit à son fils « Qu'allait-il faire dans cette galère ?» Et je conçus qu'il ne s'agissait pas seulement d'être vrai, mais qu'il fallait encore être plaisant. Et que c'était la raison pour laquelle on ne dirait jamais « Qu'allait-il faire dans cette galère ?» Et que le mot de mon paysan « Que faisait-elle à sa porte ?» ne passerait pas en proverbe. Jacques n'en usa pas envers son maître avec la même réserve que je garde avec vous. Il n'omit pas la moindre circonstance, au hasard de l'endormir une seconde fois. Si ce ne fut le plus habile, ce fut au moins le plus vigoureux des trois chirurgiens qui resta maître du patient. N'allez-vous pas, me direz-vous, tirer des bistouris à nos yeux, couper des chairs, faire couler du sang et nous montrer une opération chirurgicale? À votre avis, cela ne sera-t-il pas de bon goût? Allons, passons encore l'opération chirurgicale. Mais vous permettrez au moins à Jacques de dire à son maître comme il le fit. « Ah, monsieur, c'est une terrible affaire que de rarranger un genou fracassé. » Et son maître de lui répondre comme auparavant. « Allons donc, Jacques, tu te moques. » Mais ce que je ne vous laisserai pas ignorer pour tout l'or du monde, c'est qu'à peine le maître de Jacques lui eut-il fait cette impertinente réponse que son cheval bronche et s'abat, que son genou va s'appuyer rudement sur un caillou pointu et que le voyard crie à tue-tête. « Je suis mort, j'ai les genoux cassés. » Lorsque le maître fut un peu revenu de sa chute et de son angoisse, il se remit en selle et appuya 5 ou 6 coups d'éperon à son cheval qui partit comme un éclair. Autant enfit la monture de Jacques, car il y avait entre ces deux animaux la même intimité qu'entre les deux cavaliers. C'étaient deux paires d'amis. Lorsque les deux chevaux étouffés, essoufflés, reprirent leur part ordinaire, Jacques dit à son maître « Eh bien, monsieur, qu'en pensez-vous »« De quoi ?»« De la blessure au genou. » Je suis de ton avis, c'est une des plus cruelles. Au vôtre? Non, non, au tien, au mien, à tous les genoux du monde. Mon maître, vous n'y avez pas bien regardé. Croyez que nous ne le plaignons jamais que nous. Quelle folie! Ah, si je savais dire comme je sais penser. Mais il était écrit là-haut que j'aurais les choses dans ma tête et que les mots ne me viendraient pas.